107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Loïc qui va nous parler d'un festival un petit peu particulier. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ben ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots nos auditeurs ? Oui, alors ben moi du coup je suis Loïc Morézy, je suis programmateur et responsable du cinéma à la MCL à Gérardmer. Voilà, et puis je suis le coordinateur du festival Jeune Public Graines d'Étoiles, qui a lieu au mois d'octobre et novembre à la MCL. Et depuis quand est-ce que vous faites tout ça ? Alors moi ça fait 10 ans que je suis sur ce poste en tout cas, et que je m'occupe du festival. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre profession ? Oui, bah du coup, programmateur cinéma, tout est dans le titre. En fait, on s'occupe avec les bénévoles de toute la programmation du cinéma de la MCL à Gérardmer. Donc c'est un cinéma art et essai de 200 places. Voilà. Et puis on est un peu spécialisé dans le jeune public tous les ans. Voilà, on diffuse des films art et essai et des films jeune public ou familiaux hein, pour tout le monde. À vous parler de bénévoles, mais il y a combien de personnes qui travaillent avec vous en tant que bénévoles sur ce festival ? Alors, en fait, on a un fonctionnement à la maison de la culture, à la MCL, à Gérardmer. Toutes les programmations qui existent dans la MCL sont faites avec un salarié. Donc là, en l'occurrence, sur le cinéma, c'est avec moi. Et il y a une équipe de bénévoles à chaque fois autour du salarié pour aider à la programmation, pour donner son avis sur... tel ou tel film ou tel spectacle selon ce qu'on programme. Et voilà, et moi du coup, pour la programmation cinéma habituelle, j'ai une quinzaine de bénévoles. Et pour la programmation Graines d'Étoiles, j'ai aussi une quinzaine, vingtaine de bénévoles avec moi pour nous aider à organiser ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers le milieu culturel ? Alors moi en fait j'ai pas du tout fait des études pour être dans le culturel parce que j'ai fait des études dans l'électronique. Voilà, et puis en fait voilà, j'étais assez souvent à la MCL il y a une quinzaine d'années. En fait j'aimais bien tout ce qui était son et lumière. Donc en fait je suis rentré à la MCL en tant que bénévole sur les sonos, sur la lumière pendant les concerts, les spectacles. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai un petit peu dévié vers le cinéma. Et puis un jour, j'ai embauché là pour m'occuper du cinéma et à l'époque du cinéma vraiment jeune public. Est-ce que vous pouvez nous parler de la MCL de Gérardmer ? Alors du coup, la MCL à Gérardmer, c'est une association, loi 1901, voilà, avec une quinzaine de salariés, une centaine de bénévoles un petit peu sur tous les fronts sur lesquels on s'occupe. Donc il y a toute la partie culturelle avec les expositions, les concerts, le cinéma, on a aussi des spectacles. Et on a toute une partie loisirs famille, donc ça c'est les activités habituelles comme dans une MJC normale, les activités à la semaine. Et puis on a aussi toute une partie famille et accueil de loisirs, voilà, avec plein d'activités proposées. Il y a un centre de loisirs, il y a des sorties organisées spécialement pour les familles. Et voilà, c'est en gros toute la panoplie de la MCL. Nous allons maintenant parler d'un festival qui s'appelle Graines d'Étoiles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Ouais, alors Graines d'Étoiles, du coup, c'est un festival qui existe depuis 16 ans maintenant, c'est la 16e édition. Et en fait, c'est un festival, Gérardmer, c'est une ville où on aime bien le cinéma, parce qu'au mois de janvier, il y a le festival du film fantastique. Au mois d'avril, il y a les rencontres du cinéma à destination des professionnels. Et puis, il n'y avait pas de festival pour le jeune public, donc en fait, il y a 16 ans, on en a créé un au mois d'octobre, sur une période de vacances et aussi pour les scolaires. Mais du coup, voilà, une période où il y avait un petit peu moins d'activité à Gérardmer en octobre. Et comment s'est passée l'édition précédente ? Les éditions précédentes se passent toujours plutôt bien. Voilà, tous les ans, on a un public qui répond présent, qui vient découvrir des films, qui vient participer à des ateliers. Voilà, et puis Nous, quand ça se passe bien, on aime bien. Donc, on essaye de faire tout pour que, pour qu'on vienne pas juste à une séance de cinéma, mais qu'on essaye de faire plein d'autres choses autour, et puis parler du cinéma en s'amusant, ou alors autour d'un bon petit repas, d'un petit déj, d'un goûter. C'est toujours des petits moments sympas pour échanger avec le public. Et ce sera quoi le thème de cette année ? Alors cette année, le thème, c'est complètement givré. Voilà, c'est un thème qu'on choisit tous les ans avec, avec les bénévoles du festival. Et en fait, cette année, on a décidé de partir dans le froid, hein, le froid, la neige, même si on est en octobre. Et du coup, ça nous donne une base pour faire une déco. Déjà, parce que la MCL est totalement redécorée pendant la durée du festival. Donc là, en ce moment, on a des igloos, on a des icebergs un peu partout, avec des pingouins dans toute la maison. Et voilà, et puis ça nous donne aussi, le thème nous aide aussi à sélectionner quelques films en lien avec le thème. Donc il y a quelques films qu'on diffuse cette année qui parlent de neige, de froid, d'hiver. J'ai vu via votre site internet que vous proposez d'écouter une bande-annonce réalisée par les jeunes de la MCL de Gérardmer. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors ça c'est un petit projet qu'on a justement avec notre centre de loisirs à la MCL. Ça fait plusieurs années qu'on le fait, c'est toujours un petit moment sympa en fait. On propose aux jeunes qui sont inscrits les mercredis au centre de loisirs d'enregistrer la pub radio du festival. Voilà, donc c'est une petite pub qu'on écrit ensemble avec les enfants, et puis c'est eux qui lisent et qui la font et qui la réalisent avec une collègue de la MCL. Et voilà, comme ça après ça fait une petite pub déjà pour le festival et puis facile à diffuser en radio. Quel était l'âge en moyenne des participants pour cette bande-annonce ? Alors nous, l'accueil de loisirs, il est ouvert aux 6-12 ans. Là, sur cette année, on avait plus des 6-10 ans sur la bande-annonce. Voilà, il était une quinzaine à avoir pris le micro et à enregistrer. Et puis après, on a fait une sélection en fonction des voix qui passaient le mieux. Voilà, mais je crois que normalement, tout le monde est dans la bande-annonce. Et on a essayé de faire que chaque enfant puisse s'entendre. Quand vous dites jeune public, est-ce que ça concerne aussi les jeunes enfants en bas âge pour le festival ? Alors nous, quand on parle de jeunes publics, en fait, le cinéma, c'est interdit au moins de 18 mois partout en France. Hein, mais après, nous, on diffuse à partir des films à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, essentiellement à partir de 3 ans d'ailleurs cette année. Et du coup, ça nous permet d'avoir du monde dès le plus jeune âge de venir découvrir le cinéma dans des conditions adaptées, avec le son moins fort. Des fois, on laisse la lumière si quelqu'un a peur. Voilà, on essaye que la première fois au cinéma soit une belle expérience pour pouvoir revenir après et découvrir de nouvelles choses. Est-ce que la durée des films, elle est adaptée en fonction de l'âge des visiteurs aussi ? Oui, parce que voilà, mettre un enfant de 3 ans devant un film de 2 heures, ça serait pas très concluant à mon avis. Voilà, les films pour les 3 ans, en général, c'est des petits programmes de court-métrage souvent, et ils font entre 20 et 35 minutes, quoi, maximum. C'est déjà pas mal pour des 3 ans. Et puis voilà, on veut juste que l'expérience, elle soit belle. Les programmes sont faits exprès pour les enfants, et à partir de 3 ans, on a des petits programmes, oui, de 20-30 minutes. Et 20-30 minutes pour un enfant de 3 ans qui est assez agité, c'est déjà assez long pour lui. ça peut être long aussi. Moi, c'est la première question souvent, c'est est-ce que mon enfant il peut venir ? On essaye toujours de se renseigner un petit peu, parce que quand on nous dit que c'est la première séance d'un enfant, est-ce que les parents ont expliqué que la lumière allait s'éteindre, que l'écran il est grand, que c'est pas la petite télé qu'on a chez soi. Il y a plein de choses, des petits paramètres, mais rien qu'à l'expliquer à l'enfant avant la séance, ça débloque souvent, et après si l'enfant est pris dans le film, on a rarement de soucis. Alors après, ça dépend des petits aussi, mais on a rarement de soucis une fois que la séance est lancée. En fait, c'est souvent le lancement de séance qui peut faire peur, parce que la lumière s'éteint, il y a du monde autour, on est dans des sièges, on n'a pas l'habitude. Enfin voilà, c'est tout l'écosystème du cinéma, mais du coup, pour un petit de 3 ans, ça peut faire peur et ça peut être angoissant. Donc on essaye que ça se passe au mieux à chaque fois. Quel genre de film est-ce qu'on peut voir pour le festival ? Cette année, on a une grosse année en film, parce qu'il y a 29 films qui sont diffusés, donc c'est la première fois qu'on en diffuse autant pendant tout le festival. On a 9 avant-premières qui nous sont proposées par les distributeurs, donc ça c'est assez chouette, c'est une marque de confiance aussi des distributeurs, ils nous confient les films pour qu'on les travaille, pour pouvoir amener du public devant et puis leur faire un retour après, parce que le distributeur, quand il donne un film en avant-première, il aime bien aussi avoir le retour, de la salle pour voir si comment est perçu le film et tout ça. Donc ça, c'est un travail entre l'exploitant de salle et le distributeur, mais c'est toujours chouette d'avoir des avant-premières en tout cas à proposer. Et puis les gens sont friands de ça aussi, donc on s'en prive pas tous les ans. Est-ce que vous avez préparé un programme avec des horaires précis ? Oui, alors le programme il est assez riche, assez chargé. Il est téléchargeable en entier sur notre site internet grainedetoile.com. Et puis à chaque fois il y a les bandes annonces sur les différents films et tout ça. Donc a priori tous les jours il y a entre 5 et 7 séances. Donc a priori on peut trouver son bonheur en feuilletant le programme. Est-ce que les bénévoles s'occupent de distribuer des pop-corns ou de faire la mise en place des enfants dans la salle aussi, par exemple ? Alors, nous, on est un cinéma à réessai, et du coup, on a toujours défendu le fait qu'on ne distribuerait pas de pop-corn, parce que déjà, c'est nous qui faisons le ménage. C'est le premier. Et après, quand on regarde un film avec du pop-corn, ça marche bien sur des gros blockbusters, mais nous, sur des films à réessai, des films même jeunes publics, c'est pas forcément le meilleur exemple de mettre des pop-corn. Donc chez nous, il n'y a pas de pop-corn, mais les bénévoles aident à plein d'autres choses. On distribue un livret jeu à chaque enfant avant la séance, pendant le festival. On prend le temps de discuter aussi, de temps en temps, quand on a le temps. Et il y a d'autres moyens de parler cinéma que du pop-corn. Est-ce que vous avez prévu des animations pendant le festival ? Oui, alors des animations, il y en a quasiment tous les jours. Là, on est déjà à la moitié du festival, mais on a presque, on a entre une et trois animations par jour. Donc tout ça, c'est à découvrir dans le programme. Mais on a un ciné raclette le vendredi 27 octobre. On a une sortie famille à la patinoire d'Épinal, par exemple. Voilà, pour rester dans le thème de complètement givré, on amène des personnes à la patinoire d'Épinal. On a aussi des quiz. On a un quiz, par exemple, à la sortie d'un film dimanche 29 octobre, Nina et le secret du hérisson. Et puis voilà, il y a pas mal des avant-premières aussi, à chaque fois, avec des fois des petites surprises, des petites animations. Et voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse faire des animations, profiter du festival autrement que juste par une séance de cinéma. Et puis bien sûr, on a nos traditionnels ciné-goûter, ciné-petit-déj aussi, qui marchent toujours bien et qui sont sympas à découvrir. Donc ciné petit déj, c'est on mange le petit déj le dimanche matin et on regarde le film après. Les ciné goûter, c'est on regarde le film et on a le goûter après. Et on a aussi le matin récréatif où là c'est destiné vraiment aux 3-6 ans. Et le matin récréatif, en fait, c'est de créer un petit personnage en lien avec le film qu'on vient de voir. Et puis il y a un atelier lecture aussi, donc ça c'est aussi faire d'autres choses avec le cinéma. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose pour Halloween ou pas ? Oui, alors pour Halloween, on a une grosse soirée, une soirée frisson en fait. Alors là, pour le coup, elle est pas du tout jeune public, celle-là. Mais on l'a mis dans le festival quand même parce que, elle va partir de 16 ans. Mais c'est la soirée ado-adulte du festival, on va l'appeler comme ça. Et là, on va diffuser trois films assez connus, mais plutôt terrifiant, c'est Evil Dead 2, Freddy, les griffes de la nuit et l'exorciste. C'est pas du tout jeune public, hein, je le rappelle, mais du coup voilà, c'est l'idée de faire une vraie soirée Halloween avec des quiz, avec plein d'animations pendant toute la soirée. On va avoir un animateur qui est Florian Lorbollet, qui est passionné du genre et qui va animer toute cette soirée. Il y aura des petits cadeaux à gagner. Et le plus de la soirée, c'est qu'en fait, entre chaque film, il y aura le repas qui est compris. Donc, pour 15 euros, on a trois films plus un repas. C'est notre petite soirée spéciale frisson le 31 octobre. Est-ce qu'il faut réserver pour participer à cette animation ou pas ? Oui, alors le mieux c'est toujours, pour la soirée frisson, oui, c'est sur réservation parce que du coup il y a des repas et tout ça. Est-ce qu'il existe un tarif spécial pour assister au festival ? Pendant le festival, on a un tarif plein qui est à 6,50€, 5,70€ pour les adhérents à la MCL, 4€ pour les moins de 16 ans. Et pendant le festival aussi, on a le pass festival, donc c'est ce qu'on a de moins cher. Ça coûte 21€ et c'est 6 places valables pour enfants ou adultes pendant toute la durée du festival. Et du coup, ça fait 3,50€ la place. Donc c'est ce qu'on propose le plus et qu'on vend le plus en tout cas, pour que toutes les familles puissent participer facilement. Combien de temps est-ce qu'il vous a fallu en moyenne pour mettre cette manifestation en place ? Le festival, on commence à y travailler à partir du mois d'avril. Puis pendant 5-6 mois, on travaille dessus pour être prêt au mois d'octobre. Est-ce que vous avez des partenaires et des sponsors pour le festival ? On a des partenaires institutionnels comme la ville de Gérardmer, la région, le département, l'office du tourisme aussi, le CNC. Ça, c'est pour toute la partie, on va dire, financière. Et après, on a beaucoup de partenaires et de sponsors locaux essentiellement, et du coup qui nous permettent de faire vivre la manifestation, d'amener aussi de nouvelles choses. De nous proposer des ateliers aussi. Donc on a pas mal de partenaires et on essaye de faire quelque chose avec tous ces partenaires en tout cas. Est-ce que vous avez prévu d'autres manifestations après celle-là ou pas ? En jeune public, on a une programmation à chaque vacances scolaires ici, parce que comme on est une ville touristique, du coup, on fait beaucoup de films familiaux et jeune public pendant les vacances scolaires. Et puis sinon, pour ce qui est du cinéma normal, on a la programmation habituelle qui redémarre au mois de novembre. Et puis au mois de novembre, il y a le mois du doc. Donc on a plusieurs documentaires qui vont être diffusés pendant le mois. Tout le programme est sur mcl.gérardmer.fr, le site de la MCL. Est-ce que vous avez des futurs projets avec la MCL de Gérardmer ? Les futurs projets, on va changer, pour le confort de nos spectateurs, on va changer l'écran et le projecteur bientôt de la salle cinéma au mois de décembre. On va passer sur du projecteur laser avec une meilleure définition d'image et un nouvel écran aussi, du coup, qui sera tout neuf, tout beau, tout blanc. C'est les projets, en tout cas, du ciné pour la fin d'année. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, pour la MCL, on peut retrouver la MCL sur mclgérardmer.fr et sur le Facebook MCL Gérardmer. Et puis pour Graines d'Étoiles, on peut retrouver toute la programmation du festival sur grainesd'étoiles.com et puis sur le Facebook Festival Graines d'Étoiles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à la MCL ? Que le festival se passe bien et puis que le public soit heureux et content de venir chez nous et de découvrir des films en famille. Cette interview maintenant terminée, Loïc, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie et que de nombreuses personnes viendront participer au festival Graines d'Étoiles qui se déroule depuis le 16 octobre et jusqu'au 2 novembre à la MCL de Gérardmer. J'espère aussi. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura, bye tout le monde.